Toi et elle, y'a pas photo, photo, y'a pas photo. Toi et elle, y'a pas photo, photo, y'a pas photo. Ma chérie, quand tu sors, c'est la guerre. Tu laisses mes collègues à terre. Dans la boîte, on sait que tu gères. Mais à quoi ça sert? Ton allure et ta démarche. Tous les hommes te remarquent. Y'a un truc que tu dégages. Ce qui fait que tu te démarques. Ton sourire, ton regard. T'as les yeux, revolver. Quand tu tires, juste une fois. Résister, il faut le faire. Ton sourire, ton regard. T'as les yeux, revolver. Quand tu tires, juste une fois. Résister, il faut le faire. Pour l'oublier, tu fais la folle. Pour l'oublier, tu fais la colle. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. T'as trompé, mais c'est qu'un homme. Pour l'oublier, tu fais la folle. Pour l'oublier, tu fais la colle. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. T'as trompé, mais c'est qu'un homme. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Tu veux qu'on te montre son visage. Cheveux courts au tissage. Tu demandes si elle rage quand t'es dans les parages. Tu veux pas qu'on te compare, mais toi-même tu te compares. Si tu cherches à te venger, tu n'as rien à lui envier. Ton sourire, ton regard, t'as les yeux, revolver. Quand tu tires, juste une fois, résister, il faut le faire. Ton sourire, ton regard, t'as les yeux, revolver. Quand tu tires, juste une fois, résister, il faut le faire. Pour l'oublier, tu fais la folle. Pour l'oublier, tu fais la colle. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. T'as trompé, mais c'est qu'un homme. Pour l'oublier, tu fais la folle. Pour l'oublier, tu fais la colle. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. T'as trompé, mais c'est qu'un homme. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Y'a pas photo entre vous, y'a pas photo. Y'a pas photo, ne cherche pas, y'a pas photo. Y'a pas photo entre vous, y'a pas photo. Y'a pas photo, ne cherche pas, y'a pas photo. Pour l'oublier, ouais, tu fais la vol. Pour l'oublier, ouais, tu fais la conne. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. Mais c'est qu'un homme. Pour l'oublier, ouais, tu fais la vol. Pour l'oublier, ouais, tu fais la conne. Tu veux prouver, mais t'en fais des tonnes. Oui, c'est qu'un homme. Pour l'oublier, tu fais la folle. Pour l'oublier, tu fais la conne. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. T'as trompé, mais c'est qu'un homme. Pour l'oublier, tu fais la folle. Pour l'oublier, tu fais la conne. Tu veux prouver, t'en fais des tonnes. T'as trompé, mais c'est qu'un homme. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Toi et elle, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo. Photo, y'a pas photo.